choisi-là. Pourtant, donc en décision, c'est vous. Faire nous chercher qui j'en ça fait arriver. Yeah, yeah. Restez là pour parler. Venez là pour nous parler. Y'a que quand ça nous que c'est vrai, vrai. Venez plus près pour causer. Restez là nous que causer. Y'a que quand ça nous que